Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un pour tous, tous pour un, les Tchétchènes de Dijon. Du vendredi 12 au lundi 15 juin 2020, la capitale de la Bourgogne est bousculée par des affrontements aux allures de guérilla entre deux communautés, les Maghrébins et les Tchétchènes. Par centaines, de toute la France et de l'étranger, les Caucasiens répondent à un appel. L'un des leurs s'est fait agresser, ils ne veulent pas laisser cet acte impuni. Une approche, œil pour œil, dent pour dent, qui fait 20 blessés, dont 2 graves. Plusieurs fois, la communauté tchétchène s'est retrouvée au cœur de l'actualité. À Paris, le 12 mai 2018, un tchétchène de 20 ans avait tué un homme et blessé 3 autres au couteau. À Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre dernier, c'est un tchétchène de 18 ans qui a assassiné l'enseignant Samuel Paty. Pourtant, on aurait tort d'en rester à ces violences pour comprendre cette diaspora trop méconnue des Français. Ses membres, extrêmement solidaires, partagent un étonnant code de l'honneur et portent ensemble le drame de l'exil. Notre invité aujourd'hui, Anne Niva, journaliste, grand reporter, reporter de guerre, notamment en Tchétchénie, auteur du livre « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie », prix Albert Londres en 2000. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On aurait cru qu'on était dans une guerre. J'étais par mon balcon et un tchétchène m'a dit clairement où sont les gars de Chenôve avec une arme à la main et une batte de baseball dans l'autre. Alors qu'on ne nous dise pas qu'ils n'étaient pas armés. Vendredi 12 juin 2020, 23h. La France est déconfinée depuis un mois et le quartier des Grésilles, dans le nord-est de Dijon, profite comme tout le monde en France du week-end qui commence. Il fait un peu frais certes, mais l'été arrive et la vie reprend. Samir a terminé sa journée. Il a 43 ans, il est grutier. Il a rejoint des amis au local d'une association de quartier pour une partie de cartes. Il est près de 23h30 quand leur réunion est interrompue. Des passants affolés déboulent dans le local. Ils disent à bout de souffle, il nous faut de l'aide. On ne sait pas qui c'est, mais ils sont en train de nous taper. Samir sort et voit, là, au bout de la rue, ce qu'il décrira plus tard comme une petite armée. Ils sont une quinzaine. Ils portent des cagoules et s'en prennent aux passants. Alors Samir et les autres s'enfuient. Mais une voiture les rattrape. Samir est plaqué au sol et il est roué de coups. Sa soirée se termine aux urgences. Fracture du nez, côte fêlée, traumatisme crânien. Au même moment, non loin de là, devant le centre commercial des Grésilles, Rachid, 37 ans, discute avec des amis quand il voit arriver une dizaine de voitures. Les plaques d'immatriculation sont recouvertes de scotch. Mauvais signe. Des hommes barbus en sortent, habillés de noir, armés de barres de fer, manches de pioche et battes de baseball. Ils courent vers Rachid et les autres, et ils les frappent. À terre, les amis hurlent, on n'a rien fait. Mais les agresseurs se déchaînent. Puis l'un d'eux extirpe Rachid de la cohue et lui demande « T'es marocain ou algérien, toi ?»« Marocain », répond Rachid, avant de prendre un coup de poing qui le fait tomber à la renverse et lui brise les dents de devant. « Alors fais passer le message à tous les Arabes », lui dit un autre. « On est des Tchétchènes, faut pas taper un jeune de 16 ans. » Mais Rachid ne sait pas de quoi il parle. Voilà le début d'un règlement de compte spectaculaire. Parce que deux jours plus tôt, Dijon a été la scène d'un événement a priori anodin, mais qui a révolté les Tchétchènes de France, comme en témoigne l'un d'entre eux, Razoul Timirgeriev. Nous, on est là pour quoi ? Pourquoi on était là pendant 3 jours ? Parce qu'ils ont tapé un gamin de 16 ans. Donc, ils ont fait passer le message, ils ont mis un pistolet dans la bouche. Ils ont dit qu'on fera à tous les Tchétchènes, faites passer le message. Donc moi, ce que je dis, il a fait ça, on s'est réunis. Donc, nous aussi, on voulait faire passer le message. On ne touche pas un Tchétchène. C'est clair et net. On ne touche pas un Tchétchène. Mercredi 10 juin, c'est l'après-midi. Un garçon de 15 ans, d'origine albanaise, marche dans le centre-ville de Dijon. Il se trouve sur la place du théâtre quand une voiture passe devant lui. Il regarde les deux hommes à bord qui semblent d'origine maghrébine. « Pourquoi tu nous regardes comme ça ?» lui demande-t-il, l'air agressif, tout en prenant une batte de baseball sur la banquette arrière. Le jeune garçon prend peur, s'enfuit et les entend crier. « On est du Black Pearl !» Le Black Pearl, c'est un bar à Chicha, pas très loin, boulevard de la Trémouille. Un endroit assez fréquenté par la communauté maghrébine de Dijon. Une fois revenu chez lui, le jeune homme raconte ses mésaventures à son grand frère. Lui-même en parle à l'un de ses amis qui vient du Daghestan, une république du Caucase, et qui à son tour en parle à l'un de ses amis d'origine tchétchène, Issa, 19 ans. Et voilà les trois amis, le grand frère albanais, le Daghestanais et le Tchétchène, tous les trois de nationalité française, qui partent en direction du Black Pearl pour s'expliquer. Mais en face, ils sont plus de 10, et les explications tournent à l'affrontement. Issa et ses amis parviennent à s'enfuir. Ils courent jusqu'au square de la place Saint-Michel, à quelques centaines de mètres. Mais ils sont suivis. Une dizaine d'hommes masqués les attaquent de nouveau. Issa en assomme deux, mais les assaillants sont trop nombreux. Il lui casse la mâchoire et le nez. Puis l'un d'entre eux sort un pistolet et lui enfonce le canon dans la bouche, doigt sur la détente. À côté, un complice lui crie « Tire !» Mais il n'ose pas. À la place, il lance « Tu diras aux autres Tchétchènes de quoi on est capable. Passe le message. » Puis il déguerpit avec les autres. Les trois jeunes, en mauvais état, racontent la scène à leurs amis. Pour certains Tchétchènes de Dijon, c'est une déclaration de guerre. Deux jours plus tard, des dizaines de Tchétchènes venus de partout arrivent dans la ville. Mais comment se réunissent-ils si rapidement? Razoul Timirgariev l'explique simplement à une journaliste du Spiegel. Parce que ce que les Allemands n'ont jamais vu jusqu'ici, c'est qu'il y a une grande communauté qui vient avec aussi, qui est aussi amie. On a des amis qui sont venus d'Allemagne aussi. Hein. Les Tchétchènes qui habitent en Allemagne, ils étaient là. Il suffit de passer un message. Juste, il suffit de passer un message. Tout le monde est là. On est unis. On est solidaires et j'espère que ça sera à vie comme ça. Il suffit de quelques messages diffusés sur WhatsApp et Snapchat pour que toute la communauté tchétchène d'Europe apprenne que l'un des leurs a été agressé. Ils accusent des dealers arabes et appellent à se retrouver à Dijon pour obtenir réparation. Mohamed, un tchétchène de 26 ans, a bien reçu ces messages. Lui vit à Grenoble. Il prend la route dans la soirée du vendredi 12 juin, deux jours après l'agression. Sur le trajet, peut-être regarde-t-il les vidéos qui circulent, postées par d'autres Tchétchènes, qui de toute la France prennent la route, comme lui. Dans une voiture, trois d'entre eux se filment en tenue commando. Treillis militaires, casque avec lunettes infrarouges et armes à feu. Une expédition punitive se prépare, c'est clair. Un Tchétchène, présent ces jours-là, raconte. J'en ai entendu parler dans mon entourage, alors voilà, j'ai entendu qu'on se rassemblait en soutien justement pour ce gamin. Et moi j'étais pas du tout dans la région d'ailleurs, j'étais en région parisienne, dès que j'ai entendu ça je suis descendu aussi vite que j'ai pu. Et quand je descendais je m'attendais vraiment pas à tout ce qui s'est passé, mais je m'attendais à ce que ça se passe très bien, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, on devait parler avec eux, on devait discuter avec eux, trouver un arrangement. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait des bornes, ils sont venus de très loin. Faut comprendre aussi qu'ils aient pas envie d'être venus pour rien en fait, ils ont envie de faire passer un message. Effectivement, certains sont venus de loin. Le vendredi 12 juin au soir, à Dijon, il y a des Tchétchènes en provenance de Saint-Étienne, du Jura, de Nice, de Strasbourg. D'autres ont fait la route depuis la Belgique et l'Allemagne. À l'entrée de la ville, les voitures forment un long cortège qui avance lentement. Et tout est diffusé sur les réseaux sociaux. Un homme prend un peu de hauteur, filme la voiture et dit. Je m'adresse à tous les bâtards là, qui nous ont appelés aujourd'hui, qui nous ont donné un rendez-vous à Dijon, sur ces 15 quartiers là. Alors, est-ce que vous êtes des hommes? Est-ce que c'est nous? On est des hommes ou pas? On est venus, on s'est déplacés de partout. Mais comment cette communauté si éparpillée a-t-elle pu se mobiliser aussi massivement après une bagarre entre jeunes? Aslan, un Tchétchène installé à Nice, donne cette explication. Vous savez, notre passé explique notre solidarité. Rappelons en effet que la Tchétchénie est un état du Caucase que la Russie a mis en pièces. Au cours de deux longues guerres, de 1994 à 1996 et de 1999 à 2009, l'armée russe détruit ses villes, tue ses habitants et fait fuir les autres. Parce que la Tchétchénie est séparatiste, elle faisait partie de l'URSS. Elle a profité de la chute du régime soviétique pour déclarer son indépendance. Hors de question pour la jeune fédération de Russie qui entame alors une guerre acharnée. Les Tchétchènes sont un peu plus d'un million. 150 000 sont tués, 250 000 prennent le chemin de l'exil. Il n'y a pas une famille tchétchène qui ne soit pas en deuil. Cette femme, exilée en France, témoigne au micro de France Culture en 2005. Nous nous sommes levés pour notre vérité. Et qu'avons-nous obtenu? L'exil. Être obligé de partir. Les gens ne peuvent pas rester sur leur terre. Pour conserver leur vie, ils sont obligés d'abandonner leur terre natale qu'ils aiment. Abandonner les tombes de leurs parents, leurs proches, leur maison natale. Dans les années 40, on nous a déportés dans des trains. Et maintenant, c'est une déportation par nécessité. L'Union européenne accueille près de 150 000 réfugiés tchétchènes. En Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en France, principalement quelques dizaines de milliers. Ils sont à Nice, Strasbourg, Paris, Toulouse, Albi. Mais même dispersés, les Tchétchènes restent en contact. Chacun d'entre eux est capable de nommer tous les anciens habitants de son village ou de son quartier et de dire où ils ont trouvé refuge. Chaque Tchétchène, dans le malheur de son exil, sait qu'il peut compter sur le soutien de toute sa communauté. Et pour eux, l'ennemi c'est l'État. L'État soviétique qui les a déportés sous Staline et l'État russe qui les a détruits sous Helsinki puis sous Poutine. Rustam, qui vit sur la Côte d'Azur, résume. Les Tchétchènes ne naissent pas guerriers, on est juste entraînés à survivre. La société tchétchène, elle, ne fonctionne pas comme un État. Elle est structurée en clans, des tapes, comme on dit en Tchétchénie. Il en existe plusieurs dizaines et ils obéissent à des règles. Ils ont chacun un chef, chacun un territoire, une montagne traditionnelle et un cimetière. Et quand un membre d'un tape est agressé par un membre d'un autre tape, ce n'est pas lui seul qui se venge, mais tout le clan. Et chaque famille appartient à un clan. La diaspora tchétchène fonctionne donc avec ce système clanique et son code d'honneur. Quand un Tchétchène est attaqué, ses compatriotes ripostent comme un seul homme. Teub est agent de sécurité. Il est arrivé en France pendant la Deuxième Guerre entre la Russie et son pays. Et il confie. Quand j'ai lu pour la première fois Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, j'ai cru que c'était une histoire de Tchétchène. Voilà, c'est ça, c'est nous. On agit avec le même code d'honneur. Un pour tous, et tous pour un. Alors quand un jeune Tchétchène de Dijon s'est fait agresser, c'est toute la diaspora qui a répondu. « Nous avons résisté à Staline, disent-ils, nous ne céderons pas à des voyous. » Chamil Albakov, porte-parole de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, s'exprime au micro de France Info le 17 juin. « J'ai eu même les pères de ces jeunes hommes en ligne hier, et effectivement, il est dans un état grave, il est sous les soins. Il s'est fait tabasser, ils ont mis un pistolet dans la bouche, ils l'ont humilié, ils l'ont filmé. Il faut pas plus pour provoquer une communauté qui est déjà reconnue pour les faits, qui se laisse pas faire, qui sont résistants. On est quand même passé par deux guerres dévastatrices qui nous ont amenés ici. La France nous a accueillis. On est reconnaissant à la France. Par contre, quand on se fait agresser, il y a des gens, il y a des pères de famille qui prennent les devants et ils se protègent. Le vendredi 12 juin dans la nuit, les Tchétchènes sont à Dijon, rejoints par le père du jeune Issa, qui les prévient surtout, ne faites pas n'importe quoi, parce que nous on doit continuer à vivre ici. Alors ensemble, ils se dirigent vers le Black Pearl, le bar à chicha. Ils cherchent les agresseurs de leur protéger. Mohamed, celui qui est venu de Grenoble, marche avec la troupe. Les rues se vident, les volets se ferment. Il avouera plus tard, oui, là-bas on a oublié le plan qui était de rester modéré. Ça sert à rien, y'a du monde gros. Viens on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes. Mais t'es qui gros? Viens on sort. Viens on arrête de parler, ça sert à rien. Y'a du monde gros. Viens on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes. Mais t'es qui gros? Pas les couilles, nous y'a des gars qui nous fouillent. Je suis avec des trentenaires, ça coche sur des du Dortmund. Pas les couilles, on te nanana sans cagoule. On va te laisser par terre et te dire ça la mal les couilles. Fais le fou, et dire que tu es bon au foot. On va t'en mettre deux, trois dans les jambes, je te conseille, prends la route, prends la route, prends la route. Tout le monde va se mêler dans l'embrouille. Tout le monde est les ouais dans la foule. À la foule, à la foule. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je rappe en comorien, tu comprends pas, mais tu te tords le cou. Je suis là, mais je t'esquive. J'ai la boque au bois un coup. Tiens, un succès d'estime et tu te crois dans le coup. C'est la guerre, Belvédère. Les tuins ont le cul en l'air. Je jette mes loups au bout du pic. Ton rappeur l'aimé, ça pue sa mère. T'as des likes sur Insta et si t'es pas aimé, mon frère. C'est A-L-Z, C-Z. Dans mon morceau, je suis millionnaire. Gros, viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde. Gros, viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui? Gros, viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde. Gros, viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui? Gros. Bon, je commence à faire la ploume. Je tire la courte paille. Mamé, qui veut test? Ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai pas encore graille. Je peux bouffer le game sur place, mamé, mais vu que j'ai pas le temps, je passe par le drive. Hein? Ferme-la. Ferme-la, hé. Hey. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, gueule, gueule. Gueule de bois, gueule de bois, gueule de bois, bois, bois. Bois d'argent, bois d'argent, bois d'argent, j'en, j'en. J'entends tout, j'entends tout, j'entends tout, tout, tout. Tout est mort, tout est mort, tout est mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort. Ils sont une quinzaine en train de Black Pearl. Quelques clients fument la chicha. Les Tchétchènes tiennent des barres de fer et des battes de baseball, histoire d'annoncer la couleur. Et ils demandent aux femmes de quitter les lieux. Ils détruisent tout. Derrière eux, ils laissent quatre blessés et l'établissement en fumée. Dans une vidéo Snapchat, un Tchétchène filme la cohue et commente. Descente à Dijon ce soir. Réfléchissez avant de toucher un Tchétchène. Voilà, on vous fera regretter tôt ou tard. Au bout de la rue, derrière le Black Pearl, dont il ne reste plus grand-chose, on voit la lueur des gyrophares dans la fumée. Il a deux voitures de police. Deux brigadiers s'approchent prudemment. Un Tchétchène vient à leur rencontre et leur dit « Ne vous inquiétez pas, on respecte la police. On ne va pas vous attaquer. Mais surtout, n'intervenez pas, parce que ça va mal se passer. En d'autres termes, si on pouvait régler nos comptes tranquillement, vous en serez reconnaissant. Mais je vous en prie, faites donc. Que peuvent faire les forces de l'ordre? Pas assez nombreuses. Il n'y a que 12 policiers en renfort. Pas d'autre choix pour eux que d'assister au spectacle. Sidérés, désespérés probablement, impuissants. La horde maintenant se dirige vers le quartier de Grésilles. Parce que c'est là qu'habite la famille de Jenissa. Et c'est là qu'ils croisent la route de Samir, de Rachid et de dizaines d'autres. Les Tchétchènes ont beau dire qu'ils veulent retrouver les coupables. En réalité, ils frappent tous les maghrébins qu'ils croisent sur leur route. Ils vont jusqu'à taper aux portes des maisons pour déloger des arabes. Une autre vidéo, sur laquelle on voit un homme chercher quelqu'un dans un buisson, est postée sur Snapchat. Qu'est-ce qu'il y a, fils de pute? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es caché dedans, ta mère la pute? Fils de pute! Passe-moi, je suis sûr que je te nique ta mère. Attends, attends, à deux, à deux, à deux. Passe-moi, je suis sûr que je te nique ta mère, voilà. À deux, à deux. Le vendredi 12 juin s'achève. Les habitants des Grésilles sont barricadés chez eux. Certains accompagnent les blessés à l'hôpital. Les Tchétchènes, eux, reprennent leur voiture. Mais pas pour partir, non. Ils se garent à côté de Chenouve, au sud-ouest de la capitale bourguignonne, sur le parking de la Roulotte. Mais l'ambiance est délétère. L'opération a échoué. Les Caucasiens n'ont pas trouvé l'agresseur. Dis ça. Il faut retenter le lendemain. Les vidéos de la soirée ont déjà fait le tour de la diaspora tchétchène. Alors, le lendemain, le samedi 13 juin, le groupe grossit. Ils sont maintenant plus d'une cinquantaine sur le parking. Chaque nouvelle voiture est accueillie sous les vivas et les klaxons. Et pendant ce temps, Ruslan Demirgeriev, l'un des plus âgés du groupe venu du Jura, a rendez-vous avec des membres de la communauté maghrébine. D'autres tchétchènes l'accompagnent, parce que lui veut négocier. Il demande à ce que les coupables leur soient présentés et qu'ils s'excusent. Bien, les représentants maghrébins acceptent. Le lendemain, à 17h, ils leur livreront les coupables. Mais alors que le marché semble conclu, d'autres Tchétchènes se rendent aux Grésilles, armes à la main. Et alors qu'ils passent dans la rue d'York, devant la pizzeria Planet Pizza, deux hommes, dont on ne sait pas s'ils sont Tchétchènes ou Maghrébins, ouvrent le feu depuis une Clio. Le gérant de la pizzeria est touché, une balle dans le dos. 26 projectiles sont retrouvés autour de la pizzeria. Elles proviennent de trois armes différentes, un pistolet automatique, un fusil d'assaut et une arme de chasse. Pas très loin, les Tchétchènes brûlent une voiture. Timir Gariev, le fils du représentant tchétchène, s'exprime sur les blessés que les violences ont occasionnés. Les blessés, voilà, c'est, vous avez vu le nombre qu'il y avait. Vous avez bien vu, donc c'était obligé. Est-ce qu'il y a des blessés de votre côté? De notre côté, il n'y a pas de blessés, grâce à Dieu. Dans la foulée, un nouvel appel au rassemblement est lancé sur Snapchat. À partager au maximum pour amener le plus de frères sur place afin que les chiens de Dijon comprennent jusqu'où nous sommes prêts à aller. Le dimanche 15 juin, les Tchétchènes sont près de 250. À midi, le pique-nique au parc de la Combe, à la Serpent, au sud-ouest de Dijon. Ils ont cassé une barrière qui bloquait l'accès aux voitures et ont fait sauter les verrous des vestiaires du terrain de sport d'à côté pour utiliser les douches. Pourquoi gêner ? François Rebsamen, le maire de Dijon, appelle le préfet de la Côte d'Or. Les Tchétchènes sont réunis au même endroit, c'est le moment de les encercler, de les neutraliser. Oui, mais il n'y a pas d'effectifs, lui répond le préfet. Ah. Et il ne peut pas envoyer les 40 policiers de Dijon en poste le week-end affronter 200 Tchétchènes énervés. Il ne peut dépêcher que quelques gendarmes qui relèvent les identités et contrôlent les papiers des véhicules. Pas de quoi arrêter les Tchétchènes qui attendent 17h, parce qu'à cette heure-là, si les Maghrébins tiennent leurs promesses, ils livreront les coupables. Mais à 17h, pas de nouvelles, et personne ne viendra. Les Tchétchènes remontent en voiture et repartent pour les Grésilles. Les gendarmes ne peuvent rien faire d'autre que de leur dire « Ne faites pas de bêtises, surtout, il ne faut pas que ça dégénère ». Un Tchétchène répond ce soir-là anonymement à France 3 Bourgogne dans les rues de Dijon. Nous, on n'est pas là pour tuer des gens. On était venus à la base parce qu'il y a un représentant de leur quartier. Il a dit qu'il va apaiser le truc. Voilà le résultat. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et s'il faut revenir tous les jours, madame, on va revenir tous les jours. On est désolé qu'on a dérangé, peut-être on a fait peur aux gens et tout. Mais il vaut mieux avoir peur qu'avoir quelqu'un qui est mort en bas de bâtiment le lendemain matin, madame. Ami de la Souni et adjoint au maire. Ce dimanche soir, il se trouve sur l'ancienne place du marché des Grésilles. Il rassure les riverains. Tout va rentrer dans l'ordre. Mais à peine 10 minutes plus tard, alors qu'il parvient au croisement d'une rue, Ami de la Souni se retrouve face à 3 voitures remplies de Tchétchènes armés. Alors vite, il prend la fuite. Il se réfugie dans un immeuble et, caché sur le toit, il observe. Le quartier est quadrillé par les voitures, elles font des rondes. Pendant plusieurs heures, les Tchétchènes sécurisent la place centrale sur laquelle leurs leaders sont regroupés. C'est une véritable organisation paramilitaire. Ils sont peut-être 200, peut-être plus. Les rues se vident en quelques minutes. Dans le quartier des Grésilles, c'est le silence complet. On n'entend que les cris de quelques Tchétchènes qui ont envie de se battre. Il est 21h30 quand soudainement, le quartier entend un bruit strident. Et le Peugeot noir fonce sur les Tchétchènes. C'est un miracle que personne ne soit fauché. Au volant, c'est un habitant du quartier d'une 40aine d'années. Alcoolisé, il aurait été menacé par des Tchétchènes. Alors, essayait-il de fuir ou de se venger? On ne sait pas. Mais les Tchétchènes se pressent autour de la Peugeot qui fume. Ils filment. Terrible. Le conducteur, qui après un dérapage et 2 tonneaux, prend à la fenêtre brisée de sa voiture. Il est inconscient et son sang goutte sur la chaussée. Mais Tchétchène ne s'acharne pas sur lui, au contraire. Rassoul Timirkriev raconte. Je pense que vous avez vu les vidéos. Ils ont voulu nous rentrer dedans avec un véhicule. Mais grâce à Dieu, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Mais malgré qu'il a voulu nous rentrer dedans, la personne qui était là-bas, on l'a sorti. Vous avez vu dans quel état il était, je vous ai montré la vidéo. Donc on a sorti du véhicule, on l'a mis en PLS, je l'ai mis en PLS, il respire mieux un peu. Donc c'est pas parce qu'il a voulu nous rentrer dedans que non, on est des humains aussi. Donc on a fait ce qu'on pouvait pour lui. L'homme n'est pas mort, il est transféré à l'hôpital. À 22h50, François Rebsamen, le maire de Dijon, envoie un SMS directement à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. « Help », lui dit-il, « on a besoin de policiers, de CRS, de toute urgence. 150 Tchétchènes font la loi à Dijon. » Il est minuit quand les Tchétchènes quittent les Grésilles et se retrouvent sur le parking de la roulotte. Les forces de l'ordre commencent à affluer, mais un peu comme les carabiniers avec 3 jours de retard. Or, cette fois, elles sont 100. Entre les CRS, les gendarmes et les BAC de Côte d'Or, de Saône-et-Loire et du Doubs. et il somme les Tchétchènes de quitter Dijon, lesquels s'exécutent. Certains sont amers de ne pas avoir affronté ce qu'ils étaient venus chercher, mais le message est passé. Les Tchétchènes sont partis. Pourtant, la tension ne redescend pas, parce que les jeunes habitants des Grésilles d'origine maghrébine veulent se venger à leur tour. Le lundi 15 juin, alors que les Tchétchènes sont déjà loin, une nouvelle journée de tension commence. Les jeunes, par dizaines, sortent de chez eux. Ils sont cagoulés, masqués, portent des casques de scooter. Ils exhibent des couteaux, des machettes et des armes à feu. Certaines sont factices, certes, mais certaines seulement. C'est une sorte de riposte musclée un peu ridicule, puisque les ennemis sont partis la veille. À leur tour, maintenant, de diffuser des vidéos comme celle-ci. Viens, la mafia. C'est nous les Arabes, viens. Vous n'êtes qu'à pas là avant de te piéger. Ouais, c'est ça, niquez vos mères. Niquez vos mères. Culez, c'est nous la mafia. Chauffés à blanc, les individus que vous entendez brandissent des pistolets, des fusils à pompe et des Kalachnikov. Derrière eux, sur le rideau de fer d'un magasin, certains ont tagué « Vive Poutine » et aussi « Non aux milices ». Les jeunes en profitent pour marquer leur territoire. C'est un civique reconquête se poursuit toute la nuit. À Chenôve, une vingtaine de voitures sont incendiées. C'est plus qu'il n'y a que de familles tchétchènes à Dijon. Sur l'ancienne place du marché des Grésilles, on tire sur les caméras de surveillance. Et on crie, encore, vive Poutine, vive la Russie. Il y a des poubelles en feu, une voiture de France 3 est attaquée. Eh ouais, lit-on sur une vidéo. Il n'y a pas que les Tchétchènes qui peuvent être nombreux. Par les fenêtres, quelques anciens du quartier applaudissent. Oh, pas tous. Non, beaucoup ne cautionnent pas, évidemment. Mais certains ont l'impression que les jeunes ont raison. Qu'après trois nuits épouvantables, c'est le seul moyen d'être protégé. Parce que quand les Tchétchènes faisaient la loi dans les rues des Grésilles, la police n'a rien fait. C'est ce que déplore cet habitant. Et surtout, ce qui est inadmissible, et on répète encore, c'est qu'ils se sont baladés pendant trois jours. Escortés pendant trois jours. Alors qu'il y a des gens qui payent leurs impôts, ils se sont séquestrés alors qu'ils payent leurs impôts. On va où, là? Cette fois, leur aide met fin au désordre. La police, elle, se défend du laxisme dont on l'accuse. Il n'y avait pas assez d'effectifs, disent les forces de l'ordre. Et une intervention recourut à la catastrophe, disent-elles. Dijon sort enfin de quatre longues journées de règlement de compte. Six individus de la communauté tchétchène sont mis en examen, puis six autres sont placés en garde à vue pour violences aggravées. Jeudi 18 juin, 15h, BFM, TV, LCI, CNews, TF1, France 3 Bourgogne et les journalistes allemands du Spiegel attendent sur la place Suquet devant le commissariat de Dijon. Tous ont reçu une étrange invitation. Des Tchétchènes les ont conviés à une conférence de presse. Il est 15h passé quand une Porsche arrive et se gare sur une place handicapée. Rassoul Dimirgiriev sort de la voiture. Son père, Ruslan, est en garde à vue. Il y a aussi un certain Saïd Ermin Ibrahimov qui se présente en tendant une carte de visite aux journalistes qui lisent « Président de l'Association internationale Paix et Droits de l'Homme ». Rassoul Dimirgiriev rappelle une bonne fois pour toutes la raison de l'expédition. On ne touche pas à un Tchétchène. Au même moment, les services de la voirie refont le goudron. Des tractopelles évacuent les carcasses des voitures brûlées. Et les Tchétchènes repartent après avoir diffusé leur credo, un pour tous, tous pour un, même si l'histoire ressemble davantage à un western qu'aux Trois Mousquetaires. Tabloid freezing in the village. It's not a racist, but in the village. what a time in the village. A lot of overpriced drugs in the village. A lot of half-pint frogs in the village. Model car, model wife, model village. Model far, model right, model village. I see a lot of gammon in the village. I don't see a lot happen in the village. Just give them an anthem and they'll sing it. Still they don't know the meanings in it. Just saluting flags cause it's British. Idiot spirits think they're kindred. Model low crime rate in the village. Model race, model hate, model village. It feels like the village is a village. Still someone's making a killing. Take flight, take flight. Take flight. Model village. And the villagers bury their riches. But the village doesn't know what riches. Just snitches, snitching on snitches. Only one thing to do in the village. Just say toodle-doo to the village. Toodle-fucking-doo. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, règlement de compte entre Tchétchènes et Maghrébins, Dijon. Épisode dont nous allons parler avec notre invité, Al-Niva. Bonjour. Bonjour. Journaliste, grand reporter, reporter de guerre en Irak, en Afghanistan et en Tchétchénie. Vous avez le chic pour aller là où c'est dangereux. C'est là où il faut aller porter la lumière, justement. Oui, c'est chercher l'info. Ouais, exactement. Vous étiez correspondante à Moscou en 98 pour le journal Libération. Vous avez ensuite vécu clandestinement en Tchétchénie pendant la Deuxième Guerre entre la Russie et la Tchétchénie, hein. Et vous avez écrit un livre sur cette expérience, intitulé « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie », récompensée par le prix Albert Londres en 2000. Voilà, vous avez réalisé, là on arrive à une époque très récente, un reportage sur ces quelques jours de violence que nous avons racontés, donc le reportage pour ce qui vous concerne pour la revue Zadig, paru le mois dernier, et vous avez rencontré certains membres de la communauté tchétchène qui se sont déplacés à Dijon. Voilà, rassurez-vous, je passe la parole maintenant. Quelles ont été d'abord les suites judiciaires des violences qu'on a racontées, hein ? Bien, il n'y a pas eu le procès encore. Ouais. Hein, c'est toujours l'infraction. Absolument. Donc tout a du retard, la justice a du retard. Mais les personnes interpellées sont toujours détenues et les Tchétchènes ont fait appel à un grand cabinet d'avocats. D'abord, elles ont été défendues par des commis d'office. Et puis, ils ont fait appel à un grand cabinet d'avocats. Là aussi, il y a eu des dons de membres de la communauté pour payer ces avocats. Mais pour le moment, on a encore ni vu ni entendu personne. Mais ça va arriver. Alors, on a remarqué que la police a plutôt peu réagi, faute de troupes, apparemment, c'est ce qu'on a dit. Il y a eu des commentaires, j'imagine, autour du rôle de la police. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Du côté tchétchène? Oui. Ah bah, du côté tchétchène, il est très clair que... Mais les Tchétchènes n'ont pas attendu ce qui s'est passé à Dijon pour dire que... pour observer qu'en France, à leurs yeux, la police était laxiste. Ce sont leurs termes. Et je crois que c'est aussi une des raisons de ce qui s'est passé à Dijon et des heurts qu'il peut y avoir entre Tchétchènes et autres communautés dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la façon dont on comprend comment l'État français fonctionne. Ouais. Et pour ces Tchétchènes, notamment ceux qui sont les plus récemment arrivés, il y a des limites à tout, c'est-à-dire qu'ils disent « Ok, on peut comprendre qu'en France, on laisse les trafics de stupéfiants se faire évoluer dans les quartiers, etc., sans que vraiment on veuille, c'est en tout cas leur perception, les stopper définitivement. Il y a une chose qu'on peut pas comprendre, disent-ils, c'est quand ces trafics provoquent une limitation de la liberté pour nos mères, nos sœurs, nos filles, c'est-à-dire eux, les Tchétchènes qui habitent au quartier, quand des dealers provoquent des problèmes pour des raisons X, Y, Z, et que ça les touche, ils ont envie de réagir eux-mêmes et non pas d'attendre la police qui, à leurs yeux, ne viendra pas et ne fera rien. Faire la police eux-mêmes, quoi. Se rendre justice eux-mêmes. Ok. Vous êtes en contact avec des membres de la diaspora tchétchène en France et en Europe, et on comprend avec le travail que vous avez fourni en Tchétchénie, forcément vous avez gardé ces liens. Alors on parlera des Tchétchènes qui sont intervenus à Dijon sur le parking, mais les autres, comment ils ont réagi à ces événements? Non, mais c'est-à-dire, Fabrice, moi, j'ai été moi-même stupéfaite quand j'ai en Tchétchénie, pendant cette guerre que j'ai couverte, quand j'ai observé, regardé comment vivait cette communauté. Mmh. C'est-à-dire que, et je m'y suis adaptée, puisque c'est à mon avis le rôle et le devoir de tout reporter de guerre, parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, j'ai quand même vu un peuple, des gens qui ont des us et coutumes extrêmement différents des nôtres, extrêmement ancrés dans leur façon de vivre au quotidien, et j'ai d'ailleurs dans mes articles pour Libération, j'ai raconté ces us et coutumes en plus du récit de l'actualité que je me devais de faire pour comprendre la guerre. Par exemple, on était sous les bombes dans une voiture, j'étais à la place du mort, si on peut dire, à droite du conducteur, le conducteur, trois personnes derrière, on passe devant un cimetière et je vois toutes les personnes de la voiture qui se lèvent un tout petit peu de leur fauteuil et qui se rassiedent, alors qu'on n'a pas la tête à ça, on est sous des bombardements. Mais et pourquoi ils font ça? Par respect pour les morts. Donc, cette notion du respect de l'ancien, de celui qui est plus âgé que vous, c'est quelque chose que les Tchétchènes ont chez eux ancré et qu'ils ont amené avec eux jusqu'ici en France. Et ils ont évidemment du mal à peut-être parfois comprendre qu'ici, à leurs yeux, ce respect n'existe plus. On a dit. Donc là, ils ont agi parce qu'ils ont voulu qu'on respecte l'un des leurs. Alors, ce que j'observe, c'est qu'on a une structure clanique, mais que chaque clan ne vit pas au milieu de son propre clan, mais que tous les clans sont interconnectés, hein, on a vu, puisque il y a une solidarité de la diaspora. Oui. C'est comme ça, c'est impressionnant que des gens viennent de Strasbourg, de plusieurs d'Allemagne, coins de France, d'Allemagne, de Belgique. Absolument. Expliquez-nous parce ça, qu'ils sont ce ciment, alors que la société clanique, elle est plutôt communautarisée, au contraire. Oui, non, mais ça s'explique, je crois que ça n'est pas très difficile à comprendre. Les Tchétchènes sont un petit peuple, petit par le nombre. Et comme tous les petits peuples, c'est un peuple qui se sent menacé et qui, et quand j'ai couvert cette guerre, il l'était menacé. Il l'était véritablement, puisque il y a eu, vous l'avez rappelé, plus de 250 000 morts sur 1 million de population, ça fait beaucoup. Donc, il n'y a pas un village que j'ai traversé, il n'y a pas une famille dans laquelle j'ai été qui n'a pas eu, qui n'a pas eu une victime de la guerre. Et parce qu'il se sent menacé, ce peuple, eh bien, il fait corps. Et donc, c'est être tchétchène avant tout le reste. Donc, comme les Tchétchènes ont vécu dans l'URSS et que l'URSS est gigantesque, pour eux, revenir de Belgique ou d'Allemagne ou de Nice, ils n'ont aucun problème de prendre leur voiture, de dormir sur ce parking que j'ai appelé dans mon article de Zadig le parking de la roulotte. Mais ça, c'est parce que c'est les Tchétchènes eux-mêmes qui l'ont appelé comme ça. Donc, si vous voulez, tout ça, ça n'est pas un effort pour eux. C'est absolument naturel. Ils connaissent leur arbre généalogique par cœur. Ils savent de qui ils sont, non pas le père, le grand-père, qui est leur père, leur grand-père ou l'arrière-grand-père, mais encore 3 ou 4 générations supérieures. Ce qui est très impressionnant. Tout ça parce que ils ont l'impression que ils ne comptent pas sur la carte géopolitique des peuples aujourd'hui. Donc ce sont des gens enracinés dans leur culture, vraiment enracinés, parce qu'on va très loin dans la génération. Et qui ont dû se déraciner pour venir. J'allais venir. Voilà. Donc ça, c'est quand même, c'est un choc quand même. Voilà. Hein, exactement. Et c'est cet exil de la guerre qui n'explique pas tout, bien sûr. Mais l'exil tchétchène, il est extrêmement récent. Il est uniquement à cause de cette seconde guerre que vous avez évoquée, qui a commencé en 99. Mais avant, il y avait eu une première guerre russo-tchétchène entre 1994 et 1996. Donc c'est relativement récent par rapport à des diasporas comme arméniennes, qui sont des diasporas beaucoup plus grandes en nombre, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus anciennes. Donc c'est un peuple qui n'est pas du tout habitué à se déraciner. Et l'exil n'est pas facile. Et il y a pour moi une grande différence que j'observe dans ces... Moi, quand j'ai habité avec eux en Tchétchénie, qu'ils m'ont tout donné. Parce que dans la guerre, je me levais le matin, je savais pas où j'allais dormir le soir. Et je me retrouvais au crépuscule, je tapais à la porte de la maison où je me trouvais. Et s'il y avait à manger, ils me donnaient à manger. S'il n'y avait pas à manger, on ne mangeait rien. Ils me faisaient du thé. Et puis, on dormait sous les bombes. Ils me donnaient leur lit. Et eux, ils couchaient par terre. Donc, moi, c'est les parents de ces jeunes qu'on a retrouvés à Dijon, que je connais bien. Parce qu'il s'est passé pratiquement 20 ans. Et ceux qui étaient là à Dijon, ils avaient entre 16 et 25 ans. Ouais. Ce sont des très jeunes. Donc, ce n'est pas toute la diaspora tchétchène qui était à Dijon. N'oublions pas aussi que c'était uniquement la partie masculine. Il n'y avait que des hommes. Oui, des hommes. Il n'y avait pas de femmes qui étaient parmi ces 200, 250 quand ils étaient leur plus grand nombre. Donc, voilà, on a affaire à une communauté qui se regroupe, qui fait corps, qui ne connaît pas totalement les codes de la société française dont ils ont la nationalité. Ils ne les connaissent pas, parce qu'ils ont cette identité tchétchène qui est communiquée, transmise et par leurs parents. À la maison, on parle tchétchène, même si aussi ces jeunes tchétchènes sont capables d'être très bons à l'école française et d'être parmi les premiers de la classe. Donc il faut faire aussi une grande différence suivant l'âge auquel ils sont arrivés en France. Est-ce qu'on y pratique chez les tchétchènes ici un islam de France ou un islam en France ? Non mais, ça, c'est une question complexe. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'islam de France. Il y a, moi, une fois de plus, il faut retourner aux racines de quand j'étais en Tchétchénie. En Tchétchénie, j'ai fait connaissance aussi de la façon dont les Tchétchènes pratiquent l'islam. Mmh. C'est un islam modéré, c'est un islam soufiste. Absolument. Et ce sont des sunnites, ce ne sont pas des chiites. Mmh. La majorité des musulmans du monde sont sunnites par rapport à une minorité chiite. En France, la majorité des musulmans sont sunnites. C'est-à-dire, le maghrébin, les ressortissants du Maghreb sont sunnites, ils ne sont pas chiites. Or, en Irak, en Syrie aujourd'hui, on a des conflits aussi entre sunnites et chiites. Bon, et Al-Qaïda et Daesh sont des sunnites qui tuent des chiites. Donc là n'est pas le problème. En revanche, quand je me suis retrouvée en Tchétchénie, il y avait ce qui était le tout début, souvenez-vous, on est avant le 11 septembre 2001. Mais oui, on est en 99-2000 quand j'y arrive pour cette deuxième campagne russe au Tchétchène. Mais on est au début du terrorisme mondial. Et là, on a le début du wahhabisme, c'est-à-dire de ces terroristes islamiques qui veulent revenir un islam rigoriste, puriste, wahhab, du Arabie Saoudite, le socle de l'islam, l'islam du Moyen-Âge. Et là, il y a un conflit en Tchétchénie que j'observe et que je documente pour les médias pour lesquels je travaille, entre l'islam modéré soufi et l'islam violent, l'islam politique qui veut prendre le pouvoir. Mmh. Et en plus, il y a évidemment l'armée fédérale russe qui ne veut pas de conflit, qui veut que les indépendantistes tchétchènes restent à l'intérieur du giron de l'immense Fédération de Russie. Or, les Tchétchènes, la minorité de Tchétchènes qui prend les armes parce qu'elle veut sortir du giron de la Russie. Là, on est plus de 20 ans plus tard, elle n'est pas sortie du giron de la Russie. La petite Tchétchénie fait toujours partie de l'immense Fédération de Russie. Elle n'est pas un pays indépendant. Alors, les Tchétchènes en France, quand ils arrivent en France pour pratiquer l'islam, ils vont dans les mosquées qui sont dans toutes les villes de France. Généralement, ces mosquées, donc ce sont des mosquées sunnites, et ces mosquées sont la dite mosquée algérienne, ou la dite mosquée marocaine, ou la mosquée turque, parce que les mosquées arrivent au gré des vagues d'immigration. Donc, il n'y a pas de mosquée tchétchène, par exemple. Donc, les Tchétchènes doivent choisir la mosquée dans laquelle ils vont aller. Ils se dispatchent, finalement. Ça, j'ai eu des grandes discussions avec les Tchétchènes de France sur la mosquée dans laquelle ils vont. Et ils peuvent passer d'une mosquée à l'autre pour observer, justement, les complications entre différentes communautés immigrées en France. Ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'ils ont un œil neuf, ils sont les dernières arrivées, les plus fraîchement arrivées. Et ce qui explique peut-être leur plus grande gueule, si je peux m'exprimer ainsi, si je peux oser dire ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils osent dire des choses que les communautés immigrées précédentes taisent. On va se retrouver, c'est très intéressant, et on va aller en Tchétchénie après avoir écouté les Fugees, genre Family Business. But I was born, nothing is promised. My life is filled with less hope than the prophecies of Nostradamus. Omega marks the ending of predictability, birth of agility. Who will it be to test me and expose their futility? Iron like a lion from Zion, stop trying so hard. I think I smell your brain cells frying. The family's behind you if you're worthy. Philosophies developed deep in the back streets of Dirty Jersey. Troops with scully hats and Timberland boots. No more breakdancing for loot. Niggas hustle and shoot in the Garden State. It grows stink weeds and criminals. Government funds are minimal. Oppression subliminal. These days, it's hard for we to find peace of mind. Between insanity and sanity, there lies a thin line. Some dwell in hotels with Jezebels. A stone age and fall a victim to the plague. Unclean bad dreams. A white cleft being a fiend. One last kiss from my sweet serpentine. eliminate, break, navigate to rejuvenate. Thoughts of suicide with my nickel plate. Reconciliation came from my enemy friend, who said family don't bend. We stay silent to the end. Now who would think that your best friend would be your worst enemy, and your enemy your best friend? Stare into the air, inspiration from the atmosphere. I think of old ghosts that ain't even here, like Alex Haley. Take notes of this biography. My family tree consists of street refugees, a ghetto land where we talk slang. Stolen cars bang like my titty bang bang shebang. Featherhead, we ain't selling cocaine today, so refrain and let my family reign. Okay, just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night the evil armies of Shaitan don't play, so defend the family, that's the code to obey. But if I fall asleep and death takes me away, don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night the evil army of Shaitan don't play, so the family sticks together and we never betray. Yo, 52 pickups, no cops around. 52,000 in cash, I don't want no saving points. Have the money ready, I smell something fishy. Your wife's in my custody, watch for us, won't you find a body in the sea? That's the voice of the kid, that's the kidnapper. I do my work and then I catch my ticket to Jamaica. Meet me in the alley, make sure you bring the money. This ain't the 70s, I'm far from a jack turkey. My circle, it can't be broken, open cut, though it provoking. Racket promoting, tokens choking on their words like smoking. Cause we soft spoken, doesn't mean that we forgotten. Your booty smell rotten, and one day you will be gotten. See, jokers is scatterbrained, they focus is unrestrained. My army is trained, you never find us beeping in vain. Cause I seen fire and I seen rain. You claim fame while modest niggas remain. I can judge a character like Edo's judge a verdict. And if you bring it threats, I give you sex if I ain't heard it. See, poppin' shit's about your attitude and how you word it. I seen the biggest niggas on the blocks get murdered, and they deserve it. Or so the beast said when they served it. That shit is nervous. So what's my purpose, family? We must preserve it. Your numbers retire. I hope you like the Hellfires. You been screaming murder, she wrote like Shaka Demons and Fly. Just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night the evil armies of Shaitan don't play, so defend the family, that's the code to obey. If I should fall asleep and death take me away, don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night the evil armies of Shaitan don't play, so the family stick together and we never betray. Affaires sensibles France Inter, règlement de compte entre Tchétchènes et Maghrébins, à Dijon, il y a quelques mois. Anne Niva, vous êtes notre invitée. Vous avez réalisé un reportage sur ces quelques jours de violence qu'on a raconté pour la revue Zadig, parue le mois dernier. Je voudrais préciser que Zadig est toujours disponible en kiosque. Oui, parce que c'est un trimestriel. Et oui, donc c'est intéressant de savoir qu'il est encore là. Alors, les Tchétchènes disaient... On ne touche pas un Tchétchène. On peut se dire, pour qu'ils se prennent, on ne touche pas un Maghrébin non plus. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler, de se présenter? En fait, ça veut dire qu'ils doivent gagner le respect. Il y a des raisons, respect. Disons. Mais oui, j'imagine. Et est-ce que ça veut dire qu'ils doivent gagner le respect des uns et des autres quand ils s'installent? Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Mmh. C'est ce que j'ai pu constater moi-même en parlant à des Tchétchènes en France qui, évidemment, vivent pour la plupart dans des habitations à loyer modéré, dans des quartiers. C'est déjà compliqué pour une personne extérieure, complètement extérieur au quartier, de comprendre comment on vit dans le quartier, mais ça l'est aussi pour ceux qui arrivent dans des quartiers, dans ces quartiers de villes moyennes de France, et qui doivent vivre parmi les autres. Donc c'est ce que m'expliquait Radima, qui a 23 ans, je la cite dans l'article pour Zadig, et qui est la fille de Rouslane, que vous avez cité. Ouais, parce que Rouslane est détenue aujourd'hui. Ouais. Donc Radima me disait, nous, elle le disait, elle m'a rapporté ce qu'elle disait à un ami à elle, maghrébin du quartier. Elle disait, mais nous, on a dû gagner votre respect quand on est arrivé aussi. On a dû faire ses preuves, en quelque sorte. Et c'était pas facile. Donc, aujourd'hui, nous, les Tchétchènes, on doit aussi, d'une certaine façon... Elle me disait ça, pas du tout pour excuser ce qui s'est passé. Elle me disait ça pour expliquer... Comment c'est compliqué de cohabiter les uns envers les autres et de se comprendre les uns envers les autres et de vivre ensemble, puisque c'est un mot très à la mode, en France. Donc ça, c'est très important. Elle me disait aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle me dit, tu sais Anne, en fait je comprends pas, mais c'est mal vu l'islam en France. C'est l'image qu'elle a, elle, fraîchement arrivée, jeune, du haut de sa vingtaine d'années, en ayant toute sa vie en ayant des parents qui ont vécu en Tchétchénie, elle aussi, mais elle était petite, et elle se retrouve finalement dans un pays où l'islam est de toute façon en minorité. Mais elle, ça remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport aux stéréotypes qu'on a sur les problèmes de l'islam dans notre propre pays. Et elle me disait aussi que son surnom à l'école, quand elle était donc à l'école française où elle a été très bonne élève, elle a d'ailleurs eu une bourse tellement elle était bonne élève, son surnom c'était Kalash. Bon, et les petits écoliers entre eux sont très cruels. Puis les raccourcis ça va vite. Hein. Voilà, les raccourcis ça va vite. Donc je pense que ce qui est tout ce qui s'est passé à Dijon et cette enquête que j'ai fait post Dijon, ça a eu lieu avant le 18 octobre 2020. Dernier, avec l'assassinat de Samuel Paty. Et ça, ça a été terrifiant pour la communauté tchétchène. C'est terrible à porter. Justement, vous terrible. Oui, parce que les Tchétchènes, il y a beaucoup de Tchétchènes de Tchétchénie qui m'ont contacté immédiatement, et puis évidemment des Tchétchènes de France, mais les Tchétchènes de Tchétchénie me disaient ça n'est pas possible, ils n'arrivaient pas à croire, ils refusaient de croire que c'était un Tchétchène, tellement pour eux, un Tchétchène, c'est un Tchétchène droit, c'est un Tchétchène qui ne peut pas faire cela. Les Tchétchènes de France, eux, étant donné qu'ils vivent en France et qu'ils sont déjà beaucoup plus, je dirais, habitués à cette violence que nous avons, les Tchétchènes en Tchétchénie sont habitués à une violence de guerre. Mais c'est pas la même chose que la violence dans un pays qui n'est pas en guerre. Oui. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est la raison, c'est autre chose, mais c'est la raison pour laquelle moi je m'intéresse à la France aujourd'hui et que j'ai écrit mon livre Dans quelle France on vit. C'est parce que je me suis intéressée à la violence dans des pays en guerre et que je suis rentrée chez moi en France qui n'est pas en guerre et que je sens une violence ou des violences sourdes, des malaises qui sont difficiles à expliquer parce que nous tous, Français, sommes un peu dans le déni et qu'on a du mal à le comprendre. Et je pense que en essayant de comprendre ce qui s'est passé à Dijon et d'autres incidents similaires qui touchent d'autres communautés en France, on peut essayer de comprendre pourquoi justement nos policiers ont été dans un tel état de sidération. Mais ils ont été, Fabrice, dans un état de sidération parce qu'ils n'ont pas eu les ordres de l'État français, plus haut qu'eux, des préfets, pour leur dire d'agir. Les policiers, faut pas les incriminer. Les incriminer, ils agissent sur ordre. Bien sûr. Donc, ils connaissaient ces Tchétchènes. Enfin, ils les observaient. Ils voyaient ce qui était en train de se passer. À un moment, ils parlent avec eux, d'ailleurs. Mais absolument. Dis, plus d'une fois, ils parlent avec eux. Arrêtez, déconnez pas. Absolument. Quoi, voilà. Et ensuite, évidemment, ils se rendent compte qu'ils sont absolument sous-effectifs. Aniva, il nous reste 45 secondes, une minute, allez, pour quand même un mot sur la Tchétchénie d'aujourd'hui. Où en sont les Tchétchènes après ces deux guerres? Oui, il y a de quoi dire. Ah, c'est la Tchétchénie d'aujourd'hui, ça reste une partie de la Fédération de Russie, avec une guerre qui officiellement est terminée sans vraiment l'être. Hein. D'abord, cette guerre, je voudrais juste dire qu'elle n'a jamais été appelée guerre par les autorités, par le Kremlin. Elle s'est toujours appelée opération antiterroriste. Donc aujourd'hui, les jeunes Tchétchènes, qui restent en Tchétchénie, grandissent sans stabilité de leur république, sans savoir quel est leur avenir. Donc, rien n'est apaisé, si vous voulez. Tout reste un petit peu en suspension. Bien sûr, on l'imagine. Merci infiniment en tout cas, Aniva. Merci de m'avoir invité et d'être revenu sur cet épisode. Et que nos auditeurs achètent Zadig, toujours oui, en vente. Oui, absolument. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, règlement de compte à Hockey Dijon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire. À notre émission, à la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves de Rolin.